clamer, ok. C'est les mauvais lascars qui se disent au pire. Ça va sortir la nuit pour piloter un putain de son patard qui va t'isoler. Je vais tourner la clamer, ok. C'est les mauvais lascars qui se disent au pire. Ça va sortir la nuit pour piloter un putain de son patard qui va t'isoler. On prépare l'homicide, la nuit retarde, la nuit y'a des sorties de cartouches. On fait pas de plaques, arrêt, plaque et on te claque la bouche. T'es touché, tu craques avec ta donzelle. Et si mon rap te braque, même en vrac quand te change la douche. On te coupe les ailes, impossible de voler. On te coupe les ailes, comme une pute de violer. La nuit, nous on est pas là pour rigoler. Mon quartier c'est 19, nous arrive. Faut arrêter de rigoler. On a beaucoup d'oseille, la route sainte les ex putains. Regarde les ex lutins, toujours en train de pioncer. On fait péter le beat hors norme, on déchire tout. Ça c'est du rap de voyous pour qui voudrait danser. Laisse casser la porte gros, laisse tasser la force gros. Laisse baiser les portes, laisse passer les talk shows. C'est le retour du bouillou le plus rapisé. Ton son on va le briser, placer dans les torches. C'est tout ce qui m'a mis ok. C'est mon Velasca qui se disopé. Ça va sortir la nuit pour piloter un putain de chose banale qui va t'isoler. Fais tourner la cible à mi-ok. C'est mon Velasca qui se disopé. Ça va sortir la nuit pour piloter un putain de chose banale qui va t'isoler. On a sorti les formes, on a se tiré dans le tas. On se fait tourner les connasses, on a baisé l'état. Une véritable brute, je le suis. On fuck les putes en missile, nous. On préfère la scène de la cycle tête de bisou. Boum, et ça shoote. On sort dans les caisses, coûte que coûte. Il faut que la foudre tourne dans les thèses. Les sons qui choquent, nous on t'en donne. C'est pour les blocs si on tamponne, nous. Qui parle la mort de Satan, mais on perd dans la capote. Déterminé, aussi exterminé. Mais si pas terminé, mais si c'est terminé ici. Mais t'es malade, balayage direct. Solo sur la table avec un habillage des yep. Rap de horde, fait pour les hordes. Fou, horde, prix, fou. Les cris de lâcher, boulettes, fâchées. Voyou, dans hip-hop de luxe, je vais la tâcher. Fais tourner la chute,